Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous et saluez quelqu'un en lui disant que puisse le Seigneur t'accorder sa grâce ce soir. Levez-vous et saluez. Saluez-vous les uns les autres. Ça va, mon cher? Que le Seigneur t'accorde sa grâce, d'accord? Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, ça va? Seigneur, sois la grâce. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Je crois que vous êtes serrés là-bas, alors qu'il y a bien l'espace. Pourquoi vous fuyez votre frère? Il y a deux places ici. Ou bien deux places. À moins que ce soit les places des pasteurs, il y a une autre place là-bas. C'est bon, on peut avancer maintenant. Comment vous allez? Il n'y a pas de problème. Comment vous allez? Elle parle allemand. Non, je vais être allemand après. Ok. No, there's no problem. I'm going to speak in French, both in French and in English, if she desires. Can you just come and sit here? Tu vois qu'elle est en forme maintenant, n'est-ce pas? But you weren't supposed to be here alone. What happened? They refused to come. Why? I don't know. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous nous attendons à lui maintenant. Donc nous abordons la dernière ou bien la dernière séance, mais pas la fin. La dernière séance de la prédication en Allemagne en ce vendredi, et nous espérons que le Seigneur nous accorde de sa grâce encore aujourd'hui. La dernière séance, mais pas la fin. Vous êtes prêts? Ok. Quelqu'un a-t-il un témoignage ou quoi que ce soit à dire avant qu'on avance? Oui, mon frère. Viens. J'ai une question. Non, pas de question. Bon, on va entrer dans la phase des questions. D'accord, j'arrive à une question. Donc, si vous avez. Oui, mon frère, viens. Ah, le frère Jean, parce que c'est le frère Jean pour qu'il se lève. Applaudissez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Bon, je salue le peuple de Dieu. Amen. Vous savez, je témoigne souvent très moins. Et quand je me lève comme ça pour témoigner, c'est que Dieu a fait quelque chose de grand dans ma vie. Amen. Voilà. Je suis très content d'avoir connu Frère Junior. Je vais vous dire d'abord comment on s'est rencontrés et ce que Dieu a fait pour moi. En bref, je suis né dans une famille polygame. Mon père avait plusieurs femmes, mais il y a de cela très longtemps, je faisais toujours des rêves pas bien. L'une des co-épouses de ma maman venait faire l'amour avec moi la nuit. Des fois, lorsque je dors, juste aux cheveux de mon lit, elle se tenait là pour admirer comment je dormais. Je voyais, mais je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais non plus parler. Ce n'est pas question de force pour dire que quelqu'un n'a pas bagarré pour ne pas faire quelque chose. C'était comme ça. Elle venait toujours faire l'amour avec moi. Et vous savez, les couches de nuit ne sont pas bien. Quand une personne a les couches de nuit, normalement, il perd, en tant qu'homme, tu perds ta puissance. Donc, au fur et à mesure que la puissance diminuait, je savais que la puissance, j'étais en train de perdre ma virilité, mais il n'y avait pas de force où quelqu'un pouvait exercer une force pour dire que je vais bagarrer pour ne pas vaincre. Après, dès qu'elle est décédée, c'est l'une de mes tantes qui a commencé à venir coucher avec moi la nuit. Ainsi de suite. Après, ma tante a disparu. Maintenant, c'est ma consanguine qui vient. Au fur et à mesure, au fil des temps, la virilité baissait. Bon, ce n'est pas des choses que je me taisais, je parlais, mais il n'y avait pas de solution. Un jour, je suis parti au Cameroun. J'avais amené les voitures pour vendre. Je ne savais pas que Étienne et Jacques ont contacté Frère Junior. Moi, j'étais en train de laver les voitures que j'avais amenées pour vendre. Je vois le Frère Junior entrer. Bon, puisque les gens habitent dans la maison, je ne savais pas qui était Frère Junior. Je me suis dit que Frère Junior était peut-être un ami de la famille ou bien un voisin ou bien un monsieur du quartier. Je l'ai salué normalement comme ça. Il est entré, il est passé. Ma petite soeur savait, puisque certainement Étienne ou bien Jacques avait causé avec ma petite soeur et frère Junior. Moi, nous, on ne savait rien. Même mon épouse ne savait rien. Bon, subitement, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu peux venir? J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi on m'appelle? Après, j'ai dit, non, j'ai oublié, je suis parti. J'ai appelé, je crois, c'est moi qui avais appelé ma femme, quelque chose comme ça, ou bien elle était déjà dedans. Je suis parti. On s'est assis. Frère Junior a commencé à parler, à poser des questions. Je disais, moi, dans ma vie, je n'aime pas répondre directement aux questions. Je répondais comme ça, parce que je ne connaissais pas qui était Frère Junior. Et je ne voulais pas m'ouvrir. Bon, on s'est fait rendez-vous. On est parti chez lui. Bon, il y a des choses qui sont passées. Il a fait la délivrance. Et puis, il a indexé exactement quel était mon problème. J'ai dit, waouh, ce monsieur, apparemment, il a vu mon problème. Donc, s'il a vu, c'est qu'il peut aussi faire quelque chose. Bon, en bref, c'était bien. C'était bien. Tout était presque réglé. Et on a eu un bon séjour avec ma femme. Elle était tellement fière. Jusqu'à ce que quand on est venu, on n'avait même pas encore passé 2 semaines. Elle me dit qu'il faut qu'on rentre encore au Cameroun faire 2 mois de congé. Mais moi, je savais de quoi il était question. Vous comprenez ce qu'elle veut dire, non? Moi, je savais de quoi il était question. Bon, j'ai dit, ok, nous allons partir. Mais, chose curieuse, je dors comme ça, puisque moi, je travaille généralement la nuit. Je reviens du travail. Pendant que j'étais couché, j'avais mes mains comme ça sur le sexe. Vient une vieille femme avec les canines comme pour le chien. Il me mord aussi sur mes deux bras. J'écris, je dis, oh Jésus, oh Jésus. Il disparaît. Je me réveille. Je n'arrivais plus à dormir. Je me suis réveillé. La faiblesse a commencé encore. Je crois, j'ai appelé Frère Junior, je lui ai dit que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Le même jour où cela s'est passé, les choses ont commencé à ne pas marcher bien. Bon, quelques jours plus tard, disons quelques semaines plus tard, pendant que je dors, c'est le serpent que je rêve en train de me sucer sur mon homme. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Donc, j'ai appelé Frère Junior, j'ai dit que Frère Junior, vraiment, ça je ne comprends plus. Il me donnait les prières, il faut prier de temps en temps, il faut faire ceci. Au fur et à mesure, des fois quand ma femme est à côté de moi, je n'ai pas d'appétit, comme vous le comprenez. Mais quand je suis dehors, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est là à côté de moi, pas de sentiment. Bon, je ne sais pas si c'était fait seulement pour elle, pour qu'elle et moi ne soient pas ensemble, ou c'est comment, je ne comprenais pas. Bon, Frère Junior était à côté de nous, il nous faisait des prières et tout. Jusqu'à ce que, la fois passée, je dis à Frère Junior, je crois que je vais venir au pays, mais je n'ai pas encore causé avec ma femme. Il me dit, ne te dérange pas, je suis en route, je vais venir. Tellement que je ne pouvais plus supporter cette situation-là. J'ai appelé Frère Junior, j'ai dit que je crois que c'est ton visa-là, t'es tard, moi je vais venir au Cameroun. Il me dit, ne te dérange pas. Après, il m'appelle quelques jours plus tard, il m'a déjà eu le visa. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc, la fois passée, je suis parti chez Frère Junior, il a prié de nouveau. Et quelqu'un qui était, je ne sais pas quel animal est plus faible, il devient le lion. Amen. Donc, ce qui fait que je suis très content d'avoir connu Frère Junior parce que c'est une histoire vraiment très dérangeante. Parce qu'un homme, il préfère que tu le coupes le pied ou bien la main, tu amènes, il ne te dit rien que de pardonner. Mais quand tu pars là où il m'attaquait là, c'était pas un bon coin. Donc, je rends grâce à Dieu pour m'avoir mis en contact avec Frère Junior. Je suis vraiment content. Amen. Considérez le Seigneur Jésus. Ah, viens. Oh, oh. Moi, j'aimerais que tout le monde se mette d'abord debout pour mon témoignage. Voilà. Ah, viens. Alléluia. C'est fort aujourd'hui à la main. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ok, je suis tellement dans la joie parce que c'est la première fois que mon mari se met devant les gens pour vraiment remercier le Seigneur. Amen. J'ai beaucoup souffert en silence. J'ai beaucoup pleuré et tout le temps on disait Dieu t'entend, il écoute ta prière. Donc si ce n'était pas le Seigneur, on ne serait plus ensemble. On a eu trop de mauvais moments. Donc, et je sais que mon mari c'est quelqu'un de très bon. Donc quand il est dehors, c'est l'homme le plus bon, le plus gentil. Quand il est à la maison avec moi, c'est comme un monstre. À un moment, j'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? J'ai pleuré. J'ai dit, peut-être qu'il faut que je parte. Mais il m'a donné la force de résister. Et vraiment, on allait dans les églises. Je n'ai jamais eu un sentiment que j'avais un problème. Et subitement, au Cameroun, j'ai reçu ma délivrance. J'étais étonnée. Et ça continue de se suivre jusqu'à l'instant même. Donc, je me sens vraiment comme un nouveau-né. Et vraiment... Je ne cesse de remercier le Seigneur. Amen. Oui. Parce que il faut faire confiance en Dieu. Notre maison, vraiment, c'était, je peux dire, le désastre. Chacun avait son petit coin. On ne se communiquait pas. Mais mon mari, il est devenu un homme nouveau. Amen. Je suis heureuse. Et vraiment, qu'il continue de bénir son serviteur. Parce que je ne sais pas quoi dire. Je suis dans la joie. Amen. Vraiment. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur continue de le fortifier dans la connaissance de son nom et que nous puissions bâtir notre famille sur la confiance dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vas-y alors. Que Dieu vous bénisse. C'est le bon moment aujourd'hui alors. Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Les témoignages sont graves. Alléluia. Si c'est le président qui dit que les témoignages sont graves en faisant les mêmes témoignages, c'est que c'est fort. Alléluia. Considérez le Seigneur Jésus. Alléluia. Considérez celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Considérez que, considérez-le et vous verrez qu'il est à l'écoute à nos cris. Et que c'est à cause de ces cris-là que je suis ici dans votre continent. Considérez-le, considérez-le et sachez qu'il a écouté vos prières, il est au courant de cela. Le problème dont nos frères ont mentionné ici, c'est le problème qui mine beaucoup de couples. Beaucoup de chrétiens, enfin, n'en parlons pas du monde. Beaucoup d'hommes passent par ces choses-là. La faiblesse sexuelle, c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne savent pas que dans la majeure partie des cas, se trouvent les esprits derrière. Et si les esprits sont derrière, il n'y a pas de problème. Vous buvez n'importe quel médicament, ça ne vous rendra pas la vigueur. Parce que là, c'est trouvé dans ses reins le poison. Mais lorsqu'on commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces choses sortent, ça sort, la vigueur revient automatiquement. Donc pendant qu'on parle comme ça, il y a des gens qui souffrent de ces mêmes problèmes. Vous allez voir un homme en veste, un ministre, mais il ne peut pas aller avec sa femme. Et comme elles ont raconté là, à l'extérieur, parce que vous voyez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir si oui ou non il a la faiblesse sexuelle. L'homme sera là bien frère, ayant de l'argent, mais il ne peut absolument pas faire quoi que ce soit avec sa femme. Et vous voyez, donc, la femme est à la maison nerveuse. L'homme est nerveux parce qu'il ne peut rien faire. Quand l'homme regarde sa femme dit à son cœur qu'un faiblard comme ça. Quand ta femme te dit qu'un faiblard comme ça, là, si vous allez voir des couples qui bagagent souvent, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la bouche là-dedans, vous ne savez pas quel est le vrai problème. Il parle là, il dit que si vous allez essayer là, dit ça, si vous allez essayer là, dit ça, le problème c'est là-bas. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alors quand ils viennent au Cameroun, quand on est allé chez eux, on était assis là. Tout le monde pose la question. Après, il me dit, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Il dit, non, c'est pas le problème. Il t'attend à la maison. Quand il tente de prier pour sa femme, pendant qu'elle était au sol, dans son cœur, il y avait toujours la méditation que si ça venait de Dieu, enfin, il m'attendait au tournant là-bas pour savoir si oui ou non, il peut voir. Le Saint-Esprit dit, va vers lui, il va vers lui. Il dit que cet esprit t'a posé tel problème. Ça se trouve à l'aide de ton problème. C'est exactement ça. Il a pointé le doigt là-bas. Il a failli disparaître là. Il a failli disparaître à cet instant-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si vous souffrez de cela, ne craignez pas. Jésus-Christ est la solution. Jésus est la solution. Il est la solution. Et même vous asseyez ici, sachez qu'il a le regard sur vous. C'est seulement lui qui peut envoyer son serviteur vers vous. Ou mieux, il peut faire la chose vous-même, en vous-même, sans que personne ne soit au courant. Vous entendez? Donc, regardez par exemple, je me tiens ici chez vous dans votre pays, et je suis en train de voir quelqu'un en Afrique dont son ami l'a tapoté. C'est-à-dire que son ami l'a tapoté à l'épaule comme ça, en lui injectant la maladie. Oh, je suis ici en train de prier pour vous. Cette personne-là, je l'ai déjà vue. Donc, cette personne se va commencer la maladie, mais c'est son ami qui l'a injecté, lui a injecté la maladie. Vous voyez cela? Donc, ça, c'est en Afrique, ça. Ça, c'est en Afrique. Donc, il faut cette fois-ci, il faut que je répète cette personne. La personne va commencer la maladie, ne sachant pas où c'est venu. Donc, le signe, c'est quelqu'un l'a tapoté comme ça au niveau des épaules. En tapotant, il a injecté la maladie. Vous voyez le danger où nous encourons partout. Quand ça va arriver, il va sentir une faible fièvre, une partie de son corps qui lui fait mal, ne sachant pas que c'est le tape là. Parce que la tape qui a été faite, quand il a levé la main pour taper, ce n'était pas la main qu'il a tapé, c'était l'injection. On lui a injecté la maladie. Voilà les gens que je cherche dans le monde entier. Y a-t-il des témoignages? Si vous avez encore des témoignages, vous venez. Si quelqu'un a des témoignages, vient se tenir ici. Il parle avant qu'on avance. Si quelqu'un n'a pas de témoignage, on avance rapidement parce qu'après, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, on va prier. Ok, donc tout le monde est d'accord. Ok. Non, je n'ai pas encore. Mais on vient de dialogue, si Alléluia. Oui, je veux juste remercier la famille vraiment qui nous a permis de vous avoir et aussi que Dieu te bénisse. Ouais. Qui ça? C'est qui? Elle. Son aide. Ma soeur. Ok. Ouais. Ouais. Et vraiment, c'est comment dire, un exemple, quoi. Donc, ce que nous devons suivre, permettre au Seigneur de vous utiliser partout. Donc, je dis merci à cette famille qui a permis qu'on soit avec vous, vraiment. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Ouais, c'était mon bon. Amen. Donc, que Dieu bénisse la soeur Jacqueline et la maison qui nous reçoit. Pour ne pas citer quelqu'un. On peut commencer. Priez pour le Cameroun. Il y a une nouvelle qui va sonner sur le Cameroun. Il y a une nouvelle qui n'est pas bonne du tout. Ça, c'est devant nous. Priez pour le Cameroun. Ça ne sonne pas bien. Il a dit ça plusieurs fois dans les enseignements. Il y a une nouvelle. Cette nouvelle, quand ça arrive, vous savez que c'est une nouvelle ici. Et dans un enseignement, je tente de parler d'un certain style de. Les blancs arrangent les femmes au point où. C'est-à-dire qu'ils font une femme comme si c'était. Ils font les poupées féminines. Il y avait dit cela dans un enseignement. Ils font des poupées féminines au point où les hommes ne partent plus avec les femmes. Ils prennent ces poupées-là. Donc tout à l'heure, j'étais en train de les regarder. J'ai vu ce style de poupée maintenant. Les gens l'utilisaient. Ça s'était développé au point où, à la maison, les gens l'avaient mise à la maison comme femme. Et il y a même la bagarre. Parce que dans cette vision que j'ai vue, c'est comme si un homme a acheté sa poupée. Sa poupée, c'est sa femme normalement. Mais j'ai remarqué que, parce que quand le Seigneur me montrait cela, j'ai vu que la poupée a le visage des Asiatiques, parce que le style des cheveux et les yeux, j'ai vu que c'est une poupée asiatique, donc c'est en Asie que ça se trouve. Donc, à la maison, on n'a plus besoin de ménager humain. Un être humain ne travaille plus. C'est cette chose-là qui travaille. Et j'ai remarqué que ce monsieur est rentré du travail, cette poupée-là est venue lui servir la nourriture. Je ne sais même pas comment. Et il s'est fâché, il a boxé la poupée. La poupée pleurait en disant que pourquoi tu me tapes comme ça, chérie? Donc, jusqu'à quel niveau les êtres humains vont aller? Jusqu'à quel niveau?